pas moi c'est si mais on le bon mais bon ça fait le bouffon. Alors je me suis trouvé un nom qui représente mieux mon son. MC Gascon parce que je suis pas bourguignon. Je pète les plombs, la France c'est pas ma nation. Je viens de Vierzon. Vierzon c'est en France, t'es un peu con. Mais qu'est-ce que t'as gros couillon, t'attends un peu de mon canon. Toi je sens que tu vas pas finir la chanson. Attends un peu de voir mes compagnons, ils vont te foutre des nions. Moi je suis son copain, retire le gueudin et j'y sers à rien. J'ai remué mes mains pendant le refrain pour qu'on comprenne bien que c'est pas la fin. Et j'étais pas bien, moi je te fous les pains. Mais de temps en temps, j'accentue ce mot violent. Je balance des hanches, des flancs, des pans. Je suis plutôt content, je participe au chant. Je peux dire à mes parents que je suis pas un feignant. Parti de tout, nous on n'a plus rien. Lauréat du voyou, parce que je le vaux bien. On avait des chances, on pouvait s'en sortir. Nous on s'en balance, on veut tout détruire. Tout détruire, tout détruire, tout, tout détruire, tout. Je mets le bandana, j'ai une peucou à la rasta, j'm'habille à la gangsta, des peu ça trop grande pour moi. Parfois j'porte du costa, ça fait d'être une kaira. Même en été j'porte le bonnet avec une casquette, c'est bien stylé. Et j'en le fais. J'parle comme ça, j'sais même pas pourquoi, mais ça fait bien quoi. J'parle à l'envers, ni sa mère, à la grammaire. Mon flow est un fléau, la rage est dans mes mots. Action, introduction, dos c'est mes chichons. Fonction, mollasson, passion, pour les piftons et les biatchs canons. Qui n'ont rien dans le caisson. Alors je fume le béon, tranquille à la maison. Un peu comme en zonzon, perso j'ai mon jargon. Wesh wesh yo, ben moi c'est mon dicton. Marcher comme un mouton, hors de question. Parti de tout, nous on n'a plus rien. Lauréat du voyou, parce que je le vaux bien. On avait des chances, on pouvait s'en sortir. Nous on s'en balance, on veut tout détruire. Tout détruire, tout détruire, tout. J'pétale que t'as, j'comprends même pas ce que j'veux gras. Mais on sait que j'suis là, en gros, sur les parois. Tu trouves du rare, et toi tu en es fier. Cherche pas la misère, ou j'te nique ta mère. J'suis un vrai gangster, je sors le revolver si tu mets en colère. Vas-y, te vénère pas mon frère. Coup de tête, balayette, manchette dans ta tête. Je te fais ta fête, espèce de tapette. Respect bâtard, devant moi tu baisses le regard. J'suis un ouf, tu t'écartes. Si tu me saoules, fais de bébard. Attends, tu me casses les couilles, j'suis le roi de l'embrouille. J'fais péter les douilles, qui j'veux j'dépouille. Avec mon posse, on fait la zermie. Surtout aux plus petits, on est là, je suis funky. Représente la Tessie, du bois fleuri. Escalier B devant la sortie, DJ Psycho Corsi. Parti de tout, nous on n'a plus rien. Lauréat du voyou, parce que je le vois bien. On avait nos chances, on pouvait s'en sortir. Nous on s'en balance, on veut tout détruire. Tout détruire, tout détruire, tout, tout détruire, tout. Parti de tout, moi je n'ai plus rien. Lauréat du voyou, parce que je le vaux bien. J'avais des chances et je pouvais m'en sortir. Les efforts je m'en balance, je veux tout détruire. Nous on fait des ressorts en levant les bras. Gauche, droite, haut, bas, raga et peura. On kiffe les teufs, les histoires de seufs et aussi les mains.